Oui, c'est ainsi. Et cela alla de plus en plus loin. Dieu, quand le souvenir de toutes mes vilenies de cette sorte me revient, je frissonne d'épouvante, en songeant surtout aux railleries que mon innocence m'attirait de la part de mes camarades. Et quand je pense à ce qu'on raconte de la jeunesse dorée, des officiers, des Parisiens, quand je pense à l'air d'innocence que nous avons tous, viveurs de 30 ans, la conscience pleine de 1000 crimes envers la femme, lorsque nous pénétrons dans une salle de bal, dans un salon, rasés de frais, dans la blancheur éclatante de notre linge, en habit ou en uniforme, quel emblème de pureté! Quel rêve! Réfléchissons un instant sur ce qui est et sur ce qui devrait être. Lorsqu'un de ces débauchés s'approche de ma sœur ou de ma fille, moi, qui connais son genre de vie, je devrais le tirer à l'écart et lui dire « Ami, je connais ta vie de débauche, je sais en quelle compagnie tu passes tes nuits. Ta place n'est donc pas ici. Ce sont d'innocentes jeunes filles qui se trouvent ici. Voilà ce qu'on devrait dire. » Qu'arrive-t-il, au contraire ? Lorsqu'un de ces messieurs se présente et danse avec ma sœur ou ma fille en enlaçant sa taille de ses bras, nous sourions de plaisir si le jeune homme est riche et bien apparenté. Peut-être daignera-t-il honorer, après rigole-boche, ma fille aussi. Même s'il garde quelques traces du mauvais mal, ce n'est rien, on peut aujourd'hui en guérir. J'en connais plusieurs des exemples de ces mariages entre avariés et des jeunes filles du grand monde. Ah, quel dégoût! Mais le jour viendra bien où toutes ces lâchetés et tous ces mensonges seront enfin démasqués. De nouveau, et à plusieurs reprises, il fit entendre son bruit étrange. Puis, repris de son thé, horriblement fort, l'eau bouillante lui manquant pour l'affaiblir. Agité moi-même par les 2 verres que j'en avais bu, je me rendais compte combien le thé devait agir sur Poznichev, car il paraissait de plus en plus excité. Sa voix s'accentuait et prenait un singulier relief. Il changeait de position à tout instant, ôtait et remettait son bonnet, et, dans la demi-obscurité qui nous entourait, son visage changeait étrangement d'expression. Il reprit. Je vécus de la sorte jusqu'à 30 ans, poursuivi sans cesse par l'idée du mariage et de la famille. J'observais alors les jeunes filles qui auraient pu me convenir. Vicieux et débauché, j'osais chercher celles dont la pureté serait à la hauteur de la mienne. J'en ai rejeté plusieurs, précisément parce que je ne les ai pas trouvées assez pures pour moi. Je jetai enfin mon dévolu sur une des 2 filles d'un propriétaire terrien de Penza, riche autrefois, mais ruiné par la suite. Une nuit, au retour d'une promenade en bateau par un beau clair de lune, comme nous étions près d'arriver, j'étais assis près d'elle et je ne pouvais distraire mon regard de sa taille svelte, de ses formes moulées par un jersey collant, des boucles blondes de ses cheveux. Et je compris subitement. C'était elle. Il me semblait que mes pensées et mes sentiments élevés trouvaient en elle un écho. En réalité, j'étais séduit par sa taille et par ses cheveux, et l'intimité de toute la journée avait fait germer en moi le désir d'une intimité plus grande encore. Fait étrange. On s'imagine souvent que la beauté est synonyme de bien. Une jolie femme dit des bêtises et on croit entendre des choses intelligentes. Elle se conduit mal, et l'on aperçoit que son aspect est charmant. Et lorsqu'elle ne dit point de bêtises, ni ne se conduit mal, elle apparaît comme une merveille de moralité et d'intelligence. Je rentrais chez moi, l'âme débordant d'exquises impressions, et convaincue qu'elle était la perfection même, je la jugeais immédiatement digne d'être ma femme. Je fis ma demande le lendemain. Comme les choses sont embrouillées. Sur 1000 fiancés, dans le peuple comme chez nous, on aurait peine à en trouver un seul qui n'ait été marié une douzaine, une centaine, voire un millier de fois avant son mariage officiel. Il existe, paraît-il, aujourd'hui, des jeunes gens chastes qui comprennent et savent que ce n'est pas là une plaisanterie, mais une chose éminemment sérieuse. Dieu les protège. À mon époque, il n'y en avait pas un sur 10 000. Tous le savent, et ils agissent comme s'ils l'ignoraient. Dans les romans, on dépeint jusqu'au plus léger détail les sentiments des héros, les ruisseaux, les buissons, les fleurs qui leur servent de cadre. Lorsqu'on décrit leur grand amour pour une jeune fille, pas un mot n'est dit sur leur vie antérieure. Rien sur leurs visites dans les maisons publiques, sur les soubrettes, les cuisinières, les femmes des autres. S'il en est de ces romans inconvenants, on ne les laisse pas entre les mains de celles qui auraient plus de profit à les lire, les jeunes filles. Tous les hommes cachent leurs pensées à eux-mêmes comme aux jeunes filles. On croirait à les entendre à la non-existence de cette vie corrompue des grandes villes et des villages même, de cette débauche dans laquelle tout se roule avec volupté. Ils le disent avec une apparence de conviction telle qu'ils finissent par s'en persuader eux-mêmes. Et les pauvres jeunes filles, elles, y croient sérieusement. C'était le cas de ma malheureuse femme. Je me souviens que, étant fiancée, je lui montrai un jour mon journal intime, la mettant ainsi au courant de mon passé, particulièrement de la dernière liaison que j'avais eue et que je croyais de mon devoir de lui faire savoir. Elle aurait pu, en effet, l'apprendre par d'autres. Quand elle eut compris ma révélation, sa frayeur et son désespoir furent si grands que je vis le moment où elle renonçait à moi. Quel bonheur c'eût été pour toutes. Poznichev se tut et avala une gorgée de thé. « Non, cependant, s'écriait-il, il vaut mieux que la chose se soit passée ainsi. J'ai eu ce que je méritais. Mais il ne s'agit pas de cela. Je voulais dire que ce sont les pauvres filles qui sont trompées dans ces cas-là. Les mères le savent, édifiées en cette manière par les maris. Elles simulent une croyance à la pureté des hommes et agissent cependant comme si elles n'y croyaient pas. » Elles connaissent les amorces susceptibles d'attirer les hommes pour elles et pour leurs filles. Nous, les hommes, par la mauvaise volonté d'apprendre, nous l'ignorons. Mais les femmes savent fort bien que l'amour le plus pur, le plus poétique, comme on dit, ne dépend pas des qualités morales de la femme, mais de rapprochements physiques, de la manière de se coiffer, de la couleur ou de la coupe des costumes. Demandez à une coquette expérimentée si elle préfère, en présence d'un homme dont elle a entrepris la conquête, être convaincue de mensonge, de cruauté, voire de libertinage, ou bien être présentée à lui dans une robe de mauvais goût et mal taillée. Toutes préféreront la première alternative. Elles savent que nous mentons en parlant de sentiments purs, que leurs corps seuls peuvent nous tenter, et que nous pardonnerons plutôt un vice qu'une robe sans goût et de mauvaise coupe. La coquette le fait sans y songer, d'instinct. La jeune fille innocente agit ainsi inconsciemment, comme un animal. C'est pour cela qu'on porte ses odieux jerseys, ses tournures et qu'on étale ses épaules, ses bras et ses seins nus. Les femmes, celles surtout qui ont été instruites par les hommes, savent fort bien que les conversations sur des sujets élevés ne sont pas que des conversations et que l'homme n'a en vue que le corps et tout ce qui lui donne du relief. Aussi agissent-elles en conséquence. Ne cherchons pas par quelle suite de circonstances est entrée dans nos cœurs cette habitude devenue une seconde nature. Envisageons la vie des diverses classes de la société dans toute son impudeur. N'est-ce pas la vie d'une maison publique ? Vous pensez autrement. Je vais vous le prouver, fit-il, prévenant mon objection. D'après vous, les femmes de notre société ont d'autres intérêts que les femmes des maisons publiques ? Je prétends que non. Et en voici la preuve. Quand des personnes poursuivent un autre but, vivent d'une autre vie, ces dissemblances doivent paraître à l'extérieur. Il doit être tout différent. Comparez les malheureuses déchues avec les femmes de la plus haute société. Même toilette, même manière, même parfum. Même étalage de bras, d'épaules et de seins, même moulage du derrière, même passion pour les diamants et les bijoux, même plaisir, danse, musique et chant, autant aux unes qu'aux autres. Tous les moyens sont bons pour attirer. Pour parler franchement, la prostituée à terme a le mépris de tous. La prostituée à vie, l'estime générale. Et c'est bien par des jerseys, des cheveux bouclés, des tournures que moi aussi j'ai été séduit. Je n'étais pas, il est vrai, difficile à prendre au piège, car j'ai été élevée dans des conditions où, tels les concombres en terre, poussent des jeunes gens facilement amoureux. La nourriture abondante n'est-elle pas un excitant pour les oisifs ? Les hommes de notre société sont nourris comme des étalons. Cela vous étonne ? C'est pourtant ainsi. Je ne l'avais pas vu moi-même jusqu'à ces derniers temps. Maintenant, je vois. Et ce qui me tourmente, c'est précisément que personne ne s'en aperçoit et que tous en émettent des idées aussi stupides que celles exprimées par la dame tout à l'heure.